Max et Lulu, du slip, ils sont détendus. Avec Max et Lulu, vous ne serez jamais déçus. Max et Lulu, ils ont un sacré cul, l'eau. D'ailleurs, ils ne boivent jamais d'eau. Ensemble, ils forment un beau duo. De toute façon, ce sont les plus beaux. Avec Lulu et Max, de l'ambiance, vous en aurez à Max. Surtout, ne vous inquiétez pas. Soyez relax. Avec Lulu et Max, vous ne paierez pas d'écotaxes.